Noir le cœur et le regard, noir l'outfit comme un mec du raid. J'ai pas croisé de nouveautés, tous les mêmes comme dans Walking Dead. Ma gueule, j'ai compris qu'ici bat tout space, c'est tout, faut l'oseille, faut le bread. Elle t'aura avec son corps, à l'intérieur elle est extra laide. À l'intérieur c'est de l'... Tout est noir, c'est à cause du goudron. J'marche pas avec ses moutons, dans l'autre sens comme Benjamin Bouton. T'as raclé, m'a parlé avec les yeux, ce qui sort de sa bouche c'est inexact. Pas d'émotion quand j'ai les as, ou que je baise une Alexis Texas. Les Galjo n'ont qu'une parole, no cap, on fait ce qu'on a dit. Différents types de canidés, j'suis plus Tetsu au que Canada. Toujours insatisfait, j'ai tout ce que j'voulais mais c'est pas assez. J'entends des voix qui me poussent à le faire, j'ai pas mille solutions pour m'en débarrasser. Gros centre de corps, finissons, y'a pas d'histoire. On vient péter ce corps, tu veux que je fasse quoi à paraître distant? Et faut pas tester, sinon se blesse comme Batista. Gros son comme Dexter, j'envoie pas de texto, y'aura pas de sextape. Gros centre de corps, finissons, y'a pas d'histoire. On vient péter ce corps, tu veux que je fasse quoi à paraître distant? Et faut pas tester, sinon se blesse comme Batista. Gros son comme Dexter, j'envoie pas de texto, y'aura pas de sextape. Très émotif, souvent vêtu de noir sur les motifs. Y'a un plan voir à faire, j'mets les notifs, ça t'est mon direct sans regarder la notice. 4 roues motrices, pas dans le nautique. NWAR comme un gothique, ça fait que des AR dans la boutique. Travail abouti, GAZ. Comment dire que demain c'est loin, alors que tous les jours la mort nous guette de près. J'suis venu en crime, zéro témoin, j'ai tracé mon avenir sur du noir à la craie, j'suis la crème de la crème. J'attends pas le sort, j'ai fini tous dans l'après-m. Tu vois celle-là qu'elle est invisible et ma peine. Très peu de choses m'attristent et m'atteignent, tu vois c'est laquelle. Jeune Losa veut du bif. Vu la 4 étages près du riz, foie guan, il t'en reste encore près du pif. Sans fausse car obligé pour être productif. Faut les 4 motrices, j'suis pas tendu, j'vais tout prendre comme Modric. Gros fan de corps, finissons, y'a pas d'histoire. On vient péter ce corps, tu veux que je fasse quoi à paraître distant? Et faut pas tester, sinon se blesse comme Batista. Gros son comme Dexter, j'envoie pas de texto, y'aura pas de sextape. Gros fan de corps, finissons, y'a pas d'histoire. On vient péter ce corps, tu veux que je fasse quoi à paraître distant? Et faut pas tester, sinon se blesse comme Batista. Gros son comme Dexter, j'envoie pas de texto, y'aura pas de sextape.